Êtes-vous prêt pour un peu de nouveauté? Le poste d'écoute est maintenant ouvert. Bonjour et bienvenue dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Vous savez, c'est fou, à chaque semaine, on reçoit des dizaines, et là c'est vraiment littéralement plusieurs dizaines de CD par semaine. Et c'est notre mission de les écouter pour la première fois en même temps que vous, à décider ce qui pourrait devenir des succès. Ben, on peut décider, mais seulement entendre et savoir si, oui, découvrir si ce sont de futurs succès ou de futurs matériels pour le bac de recyclage de C'est fou. Parce qu'on est vert comme ça, on recycle nos CD. Pas vraiment, mais quand même. Petit avant-goût de ce qui s'en vient dans l'émission d'aujourd'hui du côté francophone. On va entendre entre autres David Jalbert avec son album Des Histoires. Il y a aussi le nouvel album de Ariane Moffat qu'on a reçu tous les sens. On va entendre du franc-maçon, du Jay Fish du côté anglophone et aussi Off the International Radar qui m'intéresse. Et puis Bellevue avec The Road to Recovery. Mais on va commencer avec l'album de David Jalbert qui s'appelle Des Histoires. Et tout de suite, voici Histoire d'enfance, souvenir d'enfance. Souvenir d'enfant, oui, c'est ça. David Jalbert dans le poste d'écoute au 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. De la rue Pierre à Bélanger, de la première à la dixième, à quelque part je m'ennuie de flâner dans les vieux chartes du JLM. Ce qui me ramène à la côte des skidous, on avait le fou rire à monter le traîneau. Les guerres de pommes, la cabane rouge, mon premier French dans un tempo. À soir, je reprends le chemin du lac, je m'en vais veiller à patinoire. J'ai envie de m'écraser sur la glace, puis me raconter des histoires. Couché sur l'aide, le toit du nord, je regarde briller comme un trésor. Y'a plus un chat en place, y'a plus un chat en place, le temps file et file encore. Souvenir d'enfance, souvenir maison que mon père a bâti, défrichant sa part du lac Sanson pour nous construire un nid. L'été se passait dans le cours du dépanneur Gigi, où l'on bravait le bonhomme 7 heures pour s'échanger un haki. Pour tous ces sexes qu'on oublie, pour tous ceux qu'on a pas dit au revoir, qu'un jour ça mène dans ta vie. Avec les réponses du hasard, on fume une pote au tripeux pour tous ceux qui m'ont payé à boire. Je m'embarque les fesses sur le bord du feu, j'use comme ma guitare. Souvenir d'enfant. Je reprends le chemin du lac, je m'en vais veiller à patinoire. J'ai envie de m'écraser sur la glace, puis me raconter des histoires. Des histoires. c'est fou dans vos oreilles. Ce soir, Marie-Ève a donné naissance à un garçon, 8 livres et 11. Lui dit le médecin, regarde dans le beau gros toxon, endormi dans la pouponnière. C'était le plus beau comme de raison. En rentrant chez elle, ça lui a fessé comme un éclair en plein front. À 10 heures qu'on est deux, elle t'en est faite, va être moins long. Je vois déjà les guirlandes entourant les murs de sa chambre. Elle part en contre-avis. Tes enfants, tu vois toujours trop petits. En courir à la clinique, puis d'aller travailler. Pour mal gagner du fric, pour payer son loyer. Les vaccins, les otites, berce le bébé. Elle rêve au milieu de la nuit. Cana vient lui jaser. En sortant la crèche du garde-robe, il est un Christy de bonhomme. C'est pas tellement que c'est une grosse job, mais elle aurait souhaité un chum pour le voir mettre l'ange au-dessus du sapin. Un pied de plus y aurait fait du bien. Même en mer à Saint-Adèle, nous sautions sur l'occasion de voir Papillon Père Noël et nous chantions des chansons. Les flocons tombaient du ciel. Être parent, c'est un contre-avis. Tes enfants, tes voix toujours trop petits. En courir à la clinique, puis d'aller travailler. Pour mal gagner du fric, pour payer son loyer. Les vaccins, les attitudes, berce le bébé. Elle rêve au milieu de la nuit, qu'un homme vient lui jaser. Être parent, c'est un contre-avis. Tes enfants, tu vois toujours trop petits. En courir à la clinique, puis d'aller travailler. Pour mal gagner du fric, pour payer son loyer. Les vaccins, les attitudes, berce le bébé. Elle rêve au milieu de la nuit, qu'un homme vient lui jaser. Décembre, jour et matin, une blonde diplôme au logement. Y'a pas de mots pour dire comment j'admire ma petite maman. David Gilbert avec la pièce « Elle rêve d'un homme » de l'album « Des histoires ». C'était précédé de la pièce « Souvenirs d'enfance ». Mon verdict personnel à moi, j'ai vraiment, vraiment pas aimé ça. Sérieusement, ça fait vraiment quétaine, mais bon. David Gilbert est un jeune auteur, compositeur et interprète originaire de Mascouche, dans Lanaudière. Après avoir fait plusieurs auditions, concours et de nombreux spectacles, il présente le fruit de plusieurs années de travail, son premier album qui l'intitule « Des histoires ». En studio, il a été entouré par des musiciens aguerris, dont le batteur Justin Allard, le violoniste Alain-François Lamontagne, Nadine Turbide à l'accordéon, aux côtés du réalisateur Mathieu Dandurand, qui a aussi travaillé avec Alpha Rococo, Steffi Choc et Mes Aïeux, et sous l'œil éclairé de l'auteur-compositeur Yves Marchand. Donc, David Gilbert, son album s'appelle « Des histoires ». Si vous voulez aller voir son site web, c'est le davidgilbert.com. Si jamais vous aimez ce qu'il fait, « Des histoires » est le nom de l'album. On continue avec de l'anglophone dans ce poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous, qui vous laisse placer votre propre verdict, en fait, même si ça m'adonne des fois de donner un petit peu d'opinion. Là, je joue les pièces pour vous, pas pour moi. Off the International Radar est le nom de la prochaine formation qu'on s'en va entendre. Leur première pièce s'appelle Ebola Virus. Oh, c'est beau comme nom. Ebola of Iris. C'est comme dans le virus de l'Ebola, mais A Bowl of Iris. C'est un très beau jeu de mots. Voici Off the International Radar dans votre poste d'écoute au 89.1 FM. Partout en Mauricie, au 89.1 FM en effet. Et sur Internet, partout dans le monde, au www.cfou.ca. formation torontoise Off the International Radar avec la pièce Eyeball of Iris. Ils se disent eux-mêmes expérimental et indie ambiant. Ça a bien du sens. C'est quelque chose de tenir une note aussi longtemps ou de faire une aussi longue pièce avec aussi peu de choses à l'intérieur. Henry Simpson, Don Kennedy et Aaron Dawson sont les membres de Off the International Radar. Si vous voulez plus d'informations, allez voir offtheinternationalradar.com ou leur MySpace au myspace.com/. Off the International Radar. Les liens sont toujours sur lunechance.com. Je crois qu'ils ont eu leur chance avec une seule pièce. On peut comme rendre déjà le verdict. On sait ce que c'est. Tu sais, c'est pas mauvais, mais c'est un style. Leur deuxième pièce qu'on entend à l'instant s'appelle Deploy the Plot Ending Device, si jamais ça vous intéresse. Par contre, ce qu'on va faire ici, c'est passer à du francophone. On va entendre les francs-maçons de la chanson. Francs-maçons, c'est le nom du groupe, et puis de la chanson, entre parenthèses. On va écouter la pièce Vers la Gaspésie. Ça se passe dans votre radio au 89 FM, la radio Campus de Trois-Rivières. Saint-Vallier, y'a pas grand-chose, mais y'a tout ce que j'ai besoin. Une chambre, un lit, ma blonde, une bouteille de vin. Au bord du Saint-Laurent, en face de l'île d'Orléans. Et ces montagnes qui accompagnent le ciel. Paquebot tranquillement, bruit du vent remonte le fleuve. Soudain les cloches sonnent, il est 9h. C'est dimanche, c'est l'église qui appelle ses chers fidèles. Et moi je reste là, ébloui. Je m'en vais dormir. À mon joli 6h plus loin, par un couif chemin, une rivière, partenaire jusqu'à la baie des Chaleurs. Petite rivière qui grâce à elle Marie Saint-Flavie à la Matapédia et leurs enfants, ces petits villages. Paquebot tranquillement, bruit du vent descend la baie. Y'a pas personne à part nous deux, on est si bien. C'est la mer qui appelle nous les infidèles. Pendant que moi je reste là, envahi, je vais amérir. Les francs-maçons de la chanson avec une pièce qui s'appelle Vers la Gaspésie. C'est un simple, donc c'est la seule pièce qu'on a reçue de leur part. Oyez, oyez, disent-ils. Par ordre du roi, vous, fidèles sujets, êtes maintenant déclarés les critiques de la cour royale. Par conséquent, en échange d'un écu d'or, vous, crieurs, public moderne, aurez comme responsabilité de répandre les airs originaux des troubadours de Sa Majesté, le groupe franc-maçon de la chanson. Par la réception de cet envoi, il repose maintenant sur vos épaules de faire connaître aux gens de la Nouvelle-France les œuvres favorites de la couronne. Afin de vous aider dans votre noble tâche, le roi met à votre disposition cet ouvrage dont vous aurez le privilège de faire entendre aux citoyens de la colonie du Québec. À votre service, Vers la Gaspésie, paroles et musique de Dan Lalonde. Selon le Petit Robert, le mot franc-maçon signifie une alliance secrète entre personnes de même profession, de mêmes idées. On peut donc dire qu'en plus de cette définition, les 5 membres de francs-maçons ont en commun l'expérience, le vécu et le talent. Donc Dan Lalonde, Charles Grassi, Martin Bédard, Jacques Cocoban Bourgeois, Alain Desjardins, Thérèse Motard et Annick Plouf. Donc voilà pour la formation, les francs-maçons de la chanson, leur pièce simple Vers la Gaspésie. est un autre style de musique qu'on a reçu cette semaine. On passe écoute. Je sais pas, je trouve que la première heure, tu sais, commence lentement, mais sûrement. Hein? On va passer à un groupe canadien qui s'appelle Bellevue. Leur album, c'est The Road to Recovery. Et à l'instant même, voici I've Been Meaning to Get Therapy. Justement, hein, je voulais m'en aller en direct. Passe d'écoute au 89 FM. Dans vos oreilles. I've been meaning to get therapy for years now, but it's foreign to me. Maybe I'm immune to hell. We'll see. There's no way to explain it away. Can't we just delete these decades? Take them out. Retour une autre pièce de Bellevue et Ariane Moffat dans le poste d'écoute au 89 FM. This friendship is sinking like a rock, and I've been thinking about you too much. Oh, wouldn't it be just like me to let it die? Hey, buddy, are you looking to rock and roll? What's your sign if you don't mind? I'd like to know. We're addicted to the symptoms, so you and yours and me and mine and now us too. How we're gonna ever tell them what to do? I can't afford to be this bored no more. This friendship is sinking like a rock. La formation Bellevue avec une pièce nommée Friendship, précédée de I've Been Meaning to Get Therapy dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Hein? C'est tellement une belle mission, ça, c'est tellement, on dirait, original. J'espère que c'est pas fait ailleurs. Peut-être qu'il y en a qui font ça aussi dans d'autres radios, mais bon. Poste d'écoute, Bellevue, The Road to Recovery est le nom de leur album. Si vous voulez plus d'informations, allez voir le bellevuemusic.ca ou le myspace.com/mybellevue. C'est du rock indie alternatif de Toronto. Les membres sont Jordan Bruce, David Sear, Brent O et Dan Snyder. Ils sont nés à l'été 2003, cette formation Bellevue. On passe à quelque chose que je sais que bien des gens aiment. Hein? C'est Ariane Moffatt qui nous a amené son prochain album qui s'appelle Tous les sens. Et à l'instant même, on va écouter la pièce La fille de l'iceberg. Ça commence maintenant dans le poste d'écoute. Votre émission de nouveauté musicale au 89.1. Comme un pot de fleurs, je l'ai échapper, pas même ramasser. J'ai brisé un cœur, pas n'importe quel, le seul qui battait dans mes deux oreilles. J'ai brisé un cœur comme la dernière fois que la grande peur s'était levée en moi. Mais cette fois-ci, je vais m'en occuper. Comme un petit oiseau, allez le briser. Je vais le tenir entre mes mains d'enfant, lui injecter de l'amour et du bon temps. Ah, ah, ah. J'ai brisé un cœur, l'ai laissé mi-battant. Sentiment, j'ai brisé un cœur comme la dernière fois que la grande peur s'était levée en moi. Mais cette fois-ci, je vais m'en occuper. Comme un petit oiseau, allez le briser. Je vais le tenir entre mes mains. Oh, ça sèche et que je craque. Je veux tout, toi et les autres aussi, aux quatre coins de ma vie. Sur les cœurs, il n'y a pas de prix. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, tout de suite et ici. Je veux tout, tout de suite et ici. Ariane Moffatt. Et la pièce « Je veux tout » précédée de « Briser un cœur » et de « La fille de l'iceberg ». Ce sont trois nouvelles pièces, les trois premières de son nouvel album « Tous les sens » ici dans le poste d'écoute. Lisons le document de presse tous ensemble, on aime bien faire ça ici. On commence à la connaître, Ariane. On l'entend à un endroit et c'est à un autre qu'elle apparaît. Avec « Tous les sens », un troisième album que ses fans n'en pouvaient plus d'attendre, l'inclassable artiste relève le pari de réinventer son vocabulaire musical tout en nous donnant de nouveau ce qui nous plaît depuis le début. Langue intimiste et lucide, mélodie follement inspirée, timbre de voix unique. Son titre l'indique, Tous les sens est un disque infiniment sensuel. Naviguant entre musique roots et techno, Ariane Moffatt y chante le goût, celui du nouveau, du bon temps, du risque, la vue, celle du beau comme de ceux qui défigurent le monde, le toucher comme d'en toucher amoureux, toucher au point sensible, toucher droit au cœur. Au final, ce sont bien sûr nos oreilles et notre esprit qui sont grisés. Comment résister à la tonique et mégalomane Je veux tout, ce premier extrait qui fait actuellement un malheur en radio, ou encore à la BDS que réverbère envolée entre manga et réalité sur fond de batterie 60s. Donc, une fois de plus bien entourée, Ariane Moffatt a pu compter sur des musiciens talentueux tels ses amis et membres de la formation Plasters, Jean-Phi, mais aussi Alex McMahon au clavier et arrangement, et François Plante, bassiste de haut vol, ainsi que son plus loyal acolyte, Joseph J. Marchand, toujours à la guitare. En résulte une production accomplie, traversée par des arrangements vocaux aériens ou pointillistes, par des cuivres plus vrais que nature, sous le souffle inspiré de Jean-Nicolas Trottier, de même que par les couleurs d'un quatuor à cordes qui confèrent aux chansons une saveur toute gainsbourgienne. Étoffés, les arrangements n'en sont pas moins ouverts, oxygénés, faisant de tous les sens un album à la fois luxuriant et minimal, fou et maîtrisé, très Ariane Moffatt, quoi. Voilà pour le document de presse envoyé par l'étiquette qui nous a envoyé l'album de Ariane Moffatt qui s'appelle « Tous les sens ». Si vous voulez plus d'informations sur Ariane Moffatt, c'est pas très très compliqué. Allez voir le arianemoffatt.com. On passe à l'anglophone. La raison que je parle de francophone, c'est parce qu'un petit peu plus tard, on va entendre enfin le nouvel album de Radio, hein, un groupe de hip-hop acadien. Mais avant ça, on va entendre du Canadian. Voici Bass Lions avec leur album More Than Islands. Et à l'instant, on écoute la pièce Ransom the Sunset dans le poste d'écoute au 89.1 FM. Et ça, c'est où, ça? Je me demande bien, c'est où? Moi, je m'aventurerais à dire que c'est dans vos oreilles. Tu sais, là, sur votre tête, sur les côtés, côté du nez. Je suis un petit peu à droite. Ah, la voilà, la pièce qui commence. Ah, le poste d'écoute. On découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous au 89.1 FM. Jesus, don't you believe in us? We were so pious when we said your name. Good God, man. You are the good God, man. I see the holes in your hands. See salvation. Well, I'll slip through those holes in heaven. Good God, Jesus, don't you believe in us? We were so pious when we said your name. Good God, man. I did it for the capital gains. I did it for the real money, not the change. Now I can't thread the needle. How can I say your name? I'll slip through your fingers, but not through your hand. Good God, Jesus, don't you believe in us? We were so pious when we said your name. Good God. La formation Bass Lions avec la pièce qui s'appelle Good God Jesus, précédée de Ransom the Sunset. C'est de leur album More Than Islands qu'on a reçu cette semaine. Assez fou. Bass Lions, ils se disent eux-mêmes de la Bossa Nova. Ils viennent de Hamilton en Ontario. Si vous voulez plus d'infos, c'est myspace.com/BassLions ou encore BassLions.com. Les membres sont Nathan Stretch, Anthony James, James Van Der Zag, Charlie Murray et Lisa Orvet. Ils sont en tournée présentement dans le coin de la Grande Prairie. Ça, c'est tout, Regina. Winnipeg et Thunder Bay. Hein? Pour les mois. D'ici la fin du mois d'avril, ça va quand même mieux pour les spectacles de Bass Lions. On a entendu deux pièces de ça. Moi, j'ai bien aimé. Très bon, Bass Lions. On va terminer cette première heure. J'avais parlé de Radio. Tantôt, on va les garder pour la deuxième heure parce que je vais leur donner un petit peu plus que 5 minutes. Disons que ça vaudrait la peine d'écouter quelques pièces de Radio. À la place, on va terminer avec Jellyfish. Leur album s'appelle Tout ce que j'ai rêvé. La première pièce est très longue. C'est la pièce titre. Voici Tout ce que j'ai rêvé dans le poste d'écoute. Au 89 FM. Les auditeurs du vendredi vont entendre les nouvelles de Radio-Canada. Les autres, restent avec nous. En passant, un petit changement à l'horaire pour la session d'été. On va être toujours en direct le vendredi matin à 10h jusqu'à 13h, mais on va être en reprise le samedi de 13h à 16h. Ça, ça n'a pas changé. L'autre reprise qui a changé de place, c'est celle qui s'en va au lundi soir de 17h à 20h. Donc, en gros, vendredi 10h, samedi 13h, lundi 17h. C'est le nouvel horaire pour le poste d'écoute cet été. Ça commence la semaine du 28 avril. Merci d'être avec nous. C'est le poste d'écoute. Tout ce que j'ai rêvé pour ces arbres vivants, de chaque côté de la rue, cette lumière sur les feuilles, la brique rouge et l'asphalte, ces nuages qui nous prolongent dans le ciel, toutes ces montagnes qui ondulent parmi de grands royaumes d'air dans le paysage, tout ce que j'ai rêvé sera poussière si je ne trouve pas.

parole d'homme s'évanouira dans le cataclysme des amours conjugués à l'infini présent. Et les arbres, et la lumière, et les nuages, et les montagnes, tout ce que j'ai rêvé sera l'éternité retrouvée. Deuxième heure du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Je suis toujours Mathieu Plante, animateur, voix officielle de C'est fou, bon, que voulez-vous. Dans cette deuxième, c'est des blagues. Dans la deuxième heure, on va entendre entre autres du Connor McGuire. On va entendre aussi, qu'est-ce qu'on va entendre? On va entendre plein d'affaires du Crystal Castles. Oui, oh, ça va être très très bon ça, apparemment. Mais on commence avec un groupe qui commence à monter tranquillement. Il va être en spectacle le 3 mai. Vous avez peut-être entendu la publicité, c'est si assez fou. Ça va être le 3 mai à 21h30 à l'Embuscade Radio, comme je les appelle, et comme les autres le disent peut-être aussi. L'album, c'est Cliché Hot. Ils ont eu le bon sens de nous envoyer leur CD aujourd'hui même. On vient juste de le recevoir dans nos mains, mais ils nous ont pas donné les titres. Donc voici pièce numéro 1 de l'album Cliché Hot de Radio dans votre radio. L'opinion des gens qui ont pas d'opinion, ben ça c'est l'opinion. Je mentionne souvent dans mes textes qui vire gauche des paraboles tangentes. Papier vert de la marque, c'est moi ça, c'est trop ça. La logique existe plus, des formes éclectiques, des messages cryptiques ou fictifs, cycliques. Fallait tout la tête pour être bled, c'est Jacobus Pex. Slow, un jeune qui pense trop, oublie les conséquences. Je porte pour go, avance, avance, mix and match ton cerveau. Des idées avant-garde, avant tu regardes pour la raison. C'est qui, c'est quoi tu parles de? For me, Vic, take Christopher Milligan, get this a car, I push to ball of the shit. For me, Vic, take Christopher Milligan, get this a car, I push to ball of the shit. For me, Vic, take Christopher Milligan, get this a car, I push to ball of the shit. For me, Vic, take Christopher Milligan, get this a car, I push to ball of the shit. C'est la full blown, Ricky Skaggs, give the dog a bone. Dans la no fly zone, aha, à cause tu parles de, à cause que je parle de, oh, je sais pas, mec, des petites histoires, tout fond de la monde dirait bonne, est bonne, est bonne. Top your théâtral qui grimpe par les cales. Puis qui te garoche à bas dans la place. Si c'est le monde aime ça, de voir les fous du village arriver pour prendre la place du roi. Full pin, sagouin, mais tu sais que t'aimes ça. Si tu sais pour la cause, je te l'ai dit 15 fois. T'aimes ça, t'aimes ça, t'aimes ça, t'aimes ça, t'aimes ça, t'aimes ça. Aha, à cause tu parles de For me, Vic, take Christopher Milligan, get this a car, à cause tu parles de shit. For me, Vic, take Christopher Milligan, get this a car, à cause tu parles de shit. For me, Vic, take Christopher Milligan, get this a car, à cause tu parles de shit. For me, Vic, take Christopher Milligan, get this a car, à cause tu parles de shit. Si je dis que je veux rien d'autre référence, quand je pense, moi c'est rare que je pense comme la majorité. Des hypothèses me mettent à l'aise, comme des croyants qu'on toute vie sont malades dans des classes de dumb fuck, pis dog dog goose quand ils boostent ton text flow. Monopoly Pasco, ils jouent le jeu de vie, différents partenaires, pis c'est off la belle-mère, une anglaise, I don't care. Trouve une différence, c'est la Jesus Christ, an American pilot, drive-thru, confess. Pour me rendre en enfer, bah si je gagne, bah mon oncle, gros, pour faire un profit. Capitalistique, dans mes jeans, pour ta gasoline, dans son SUV. Je vais fondre les ice caps pour vendre des bateaux. Une colonie sur la lune, on va vendre des condos. Il fait beau, il fait chaud, global warming, go. Il fait beau, il fait chaud, global warming, so. For me, Vic, take Christopher Milligan, get this a car, I push to ball of the shit. For me, music to you. C'est fou dans vos oreilles, I called you last night in the hotel. On est parti voir la rum runner. Si tu veux, crois-moi, tu peux venir si tu veux. On est parti voir la rum runner. Si tu veux, crois-moi, tu peux venir si tu veux. Les balles se forment, mais sans use tu vas. Les balles se forment, mais sans use tu vas. Mais je m'en vais au bout, like a what the fuck. Cause tu sais pas, on s'en va chez moi. On a de la vie, ramasse à boire et les filles qui viennent toi. So, téléphone au bar, on peut les laisser savoir que la fête a fini fort jusqu'à temps que tu tombes au bord. Regarde ça, garde à court, ça qui vient, là je la vois. J'ai ta porte de jeans là, hot damn, ça fait de des gros seins, j'dis rien, demande ici qu'elle vient. Moi j'agounais pas, ben j'pense qu'elle gounait mon cousin. Sauf qu'elle vient, on vient pas, moi j'suis parti là-bas. C'est qu'on m'avait aimé nuque avant que t'arrives au rum runner. C'est le rum runner, merci le rum runner. Si ça serait pas de trop, on serait tous des dry runners. Cours avance, faut juste pas que tu penses. C'est que t'es parti quelque part, faut que tu trouves un autre sens. L'humoristique, semi-automatique, compris. Wow. Sorry, Jacobus, j'pense pas que c'était compris. Ça c'était mieux du chorus, mais on est pas même rendu. J'n'arrive au bootlegger, hope y'a personne qui nous a vu. C'est le... Oh non, man, j'fais un autre quoi. C'est le rum runner, merci le rum runner. Si ça serait pas toi, on serait tous des dry runners. On arrive au bootlegger, pis la vieille en compte de bout. On a besoin d'une caisse de bière, pis du rhum, comment ça coûte. 40 pièces sur moi, t'es une miette de chance. Nevermind, comment ça coûte cher. J'suis qui voulait boire, la petite gueule qui me garde avec un nez qui switch de swell. La soirée encore jeune, plus jeune que cette femme ici. Vieille comme une malicite, la femme qui dégait. Ok, allez, yo, vous call it taxi. Yellow cab, white cab, man, moi ça m'en reprend. J'ai quelque chose dans la moelle. Pis tu sais pour rouler ça. Roule quoi? Whoop, never mind. Le taxi est là. Là j'call shotgun. Bim mon téléphone sonne au néo. Rum runner, merci le rum runner. Si ça serait pas toi, on serait tous des dry runners. C'est le rum runner, merci le rum runner. Si ça serait pas toi, on serait tous des dry runners. Tu travailles trop tard, c'est le rum runner. T'as manqué les liquor store, c'est le rum runner. Une bière après le bar, c'est le rum runner. T'as trop de femmes à bord, c'est le rum runner. Tu veux boire après le bar, c'est le rum runner. T'as trop de femmes à bord, c'est le rum runner, fini de boire ton encore. Rum runner, tu payes trop cher pour ta bière. Rum runner, t'es broke, t'es gâte à soir. C'est le rum runner, c'est qui balle les liquor store. C'est le rum runner, t'as besoin de quoi boire. Merci le rum runner, si ça serait pas lui, on serait tous des dry runner. Rum runner, merci le rum runner. Si ça serait pas toi, on serait tous des dry runner. Rum runner, merci le rum runner. Si ça serait pas toi, on serait tous des dry runner. Rum runner, merci le rum runner. Si ça serait pas toi, on serait tous des dry runner. Hey, single ou un double, toi? Oh, ça, c'est du bon truc. Yo, cliché hot, cliché hot. Cliché hot, cliché hot, cliché hot. Cliché hot, j'me réveille, cliché hot dans mon lit. Prends ma j'promenade, pis j'ai vite compris. Cliché hot, la nouvelle mode qui rend ta vie, petite culotte, porte chartelle aussi. Cliché hot, personnage et vivre au ciel compris. Cliché hot, la mode à elle ou la mode à lui. C'est cliché hot, t'es compliqué d'un cliché hot, t'es conflit. Cliché hot, c'est la mode, celle-là qui est pas consentie. Belle fille qui rentre dans la place, c'est si jolie. Abîme ses orteils, vêtements pis sa face aussi. Cliché hot, c'est lui dire tu la vois dans ton lit. Cliché hot, un sourire pis elle te dit moi aussi. Pas capable de voir le cliché, woke up. Tu sais qu'est-ce qui est cliché? Mon popsicle, une frappe, deux frappes, troisième frappe aussi. Pas besoin de prescription, ta première frappe est free. Ice cream, you scream, tout le monde veut de l'ice cream. Ice cream man, t'as des flavors dans la van. J'ai dit ice cream, you scream, tout le monde veut de l'ice cream. Le ice cream man, t'as des flavors dans la van. Une frappe, deux frappes, troisième frappe aussi. T'as pas besoin de prescription, ta première frappe est free. J'ai dit une frappe, deux frappes, troisième frappe aussi. T'as pas besoin de prescription, ta première frappe est free. Yo, cliché hot, cliché hot. Cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot, cliché hot cliché hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, hot, cliché hot, hot, cliché, cliché hot, city hot, city cliché, cliché hot, c'est qui fait des dutchy dutchy coucou van dutch, city hot, city cliché, cliché hot, c'est qui fait des dutchy dutchy coucou van dutch. J'veux pas te mettre sur le spot, mais t'es cliché hot, porte une skirt dans l'hiver, comme une forme de pomme de terre, look it there, check les Gino, pour la l'air, chemise ouverte, et tiens 20 pièces, va t'acheter du nerf, une grosse moustache comme Magnum P.I. C'est le stéréotype, oui c'est cliché hot. Le gangsta, ouh oui t'es gangsta. Pimp chain, BB gun dans les vidéos. Cadillac avec un corps ou dans le coffre. Qui sait la main du flic, ça c'est chic. Original, le seul qui pense de faire ça. Ouh, regarde ça. Des troupes en petite culotte avec un nom Westby dans l'élastique. Des rimes faites en plastique, ouh c'est fantastique. Déjà vous, comment allez-vous? I did get the review. La cliché hot madame avec le troupe top. Parfaite combinaison, faite pour la saison. Faites sans raison. Cliché hot, cliché hot, c'est quoi c'est cliché, mais c'est cliché hot. Cliché hot, cliché, cliché hot, cliché. Arrache ta chemise, bitch, t'es cliché hot. Cliché hot, hot, cliché hot, c'est cliché hot, c'est cliché hot, cliché hot, hot, cliché hot, c'est cliché hot, c'est cliché hot, cliché hot, hot, cliché hot, cliché hot. Je veux pas mettre sur le spot, but des clichés hot. Urban style turns fit, y'a des femmes qui t'y cassent à la glace. Le vieux flag, comme un changement now. Trois jours à la mode, quatre jours d'excellent. So, écoute le sound qui dit que t'es bon. Je te dis que t'es bon, c'est ça qui veut. Positive reinforcement pour les enfants. Oh, jet never mind, le boss dit non. Le monde refuseront, le rejecteront, le traduiront, puis ils finiront à l'entendement. Jusqu'ils l'acclameront et l'écouteront. Et diront que parce qu'ils l'aiment. Ah oh, ouais, y'a ta grace, c'est ta mon révolutionnaire, il faisait vraiment de la suite. Mec, une fois que t'es gone, que tu sois venu, ton image à la mode, mais t'y personne t'a vu. Un récent, tout le monde le veut. Un récent, tout le monde est né. Un récent, tout le monde le voit. Un récent, tout le monde est là. Un récent, tout le monde le veut. Un récent, tout le monde est né. Un récent, tout le monde le voit. Un récent, tout le monde est là. Oui, c'est hot de radio, radio, radio, radio, dans votre radio 89 FM. C'est le poste d'écoute. On découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. Donc, radio, radio, appelons-les par leur nom prononcé correctement, pour une fois. C'est un groupe montant. Comment on dit ça? C'est qui monte? C'est un groupe montant. Hein? Ben, pourquoi pas? Ils commencent à jouer à énergie un petit peu. Leur clip joue aussi à Musique Plus. C'est un groupe de hip-hop électro acadien. Ils chantent en chiac. Vous aurez compris, un langage hybride, vous connaissez sûrement, propre aux Acadiens de l'Est du pays. Leur site web, c'est laradioradio.com. Leur album sort le 13 mai, qui s'appelle aussi Cliché Hot, leur album. Ils vont être en spectacle à Trois-Rivières le 3 mai à 22h à l'Embuscade. Ben, en fait, ça dit 21h30 à certains endroits, donc on peut s'imaginer que ça va être dans le coin de 21h30, 22h le 3 mai, samedi. Il vient de Moncton au Nouveau-Brunswick, c'est Techno Hip Hop Show Tunes qui se disent eux-mêmes sur leur MySpace. Est-ce qu'on peut faire confiance à ça? Pas vraiment. Jacobus Textile, Timo, VJ Pan et Lex sont les membres de ce groupe. Il y a aussi le myspace.com/ la radio radio si vous voulez entendre des extraits. Il y a aussi une entrevue avec CISM. Voilà, c'est ça, CISM, tout à fait. Et puis d'autres radios comme ça sur leur MySpace. 13 mai est la date de sortie, je le rappelle, pour l'album de Radio Radio qui s'appelle Cliché Heart. Voilà. On passe à de l'anglophone, on s'en va entendre une pièce de Connor McGuire. Son nouvel album s'appelle Different After Dawn. Et voici la pièce titre tout de suite. Au poste d'écoute, on découvre les nouveautés en même temps que vous au 89.1 FM. The city's getting crooked, just to see how far you'll bend. And your artwork's getting crazy, paint devils in the wind. And you park your car outside your house, you take it all in again. You live here with the one that you love, and they'll try and do a man. The clock cries out for midnight, and that old familiar song. You thought you knew this town alright, but it looks different after dawn. Different after dawn. Different after dawn. boss lost her reflection. She shot her mouth into a crowd, killing hundreds of the lonely, killing hundreds of the proud. Are you sick or just self-conscious? Is the question of the hour. From your prying-eyed co-workers, it's their job to take you down. They'll lose their reflections and that pedestal they're on. They will run from the daylight, 'cause they look different after dawn. Different after dawn. Reflections and that pedestal they're on. They will run from the daylight, 'cause they look different after dawn. Different after dawn. Different after dawn. Different after dawn. They look different after dawn. C'est fou, dans vos oreilles. Junkie both turn on their radio, and they both sing along to the same self-righteous song. And there was a time before I blurred the line when I would have said, if one is right, then one is surely wrong. But now I say there's more shades of gray that I just missed a long way of searching between the right and the wrong. To my surprise, you took my hand, you looked into my eyes and said, whatever happens, it'll all be okay. If no one knows your best, it all looks good. I'm sure you'd make it better if you could. What you steal, it'll be your friend. All is fair in love and war, the statement that we all live for, 'cause it gives us an excuse to be ourselves. The most famous of romances, close on two, that once were in love but it led them to assume. I brought down an empire just to see you by my side. But you looked at me and said, baby, it's alright. If no one knows your best, it all looks good. I'm sure you'd make it better if you could. What you steal, it'll be your friend. careful, 'cause you're everything to a lot of people. Conor McGuire avec la pièce It's All Right de son album Different After Dark. C'était précédé de la pièce titre de son nouvel album. Donc Conor McGuire qui fait de l'acoustique indie folk, qui vient de Vancouver en Colombie-Britannique. Conor, trait d'union McGuire.com ou encore myspace.com/Conor McGuire. Il est en spectacle en ce moment en Colombie-Britannique, un petit peu partout. Hein? Belle place, apparemment, on m'a dit. Je connais des gens qui sont là en ce moment et puis ils sont chanceux. Donc Conor McGuire, son album c'est Different After Dawn. On passe à du francophone maintenant et on se paye la traite là. Il y a des gens qui aiment ça, ce genre de musique là, ça arrive. Du rap, qu'on appelle. Du hip-hop. C'est comme ça qu'on appelle ça. Benny Snassen qui nous a envoyé son nouvel album Spleen et Idéal. Et puis on a aussi reçu Rêve de rue de TLF. Donc on va les écouter back to back. On commence par Benny Snassen. Voici la pièce titre. Elle porte son nom. Pourquoi? Ben parce qu'ils font ça, ils parlent d'eux-mêmes. C'est ça qu'ils font les rappers. Je suis hot, je suis bon, j'ai vécu dur, ça fait du petit gâteau. Benny Snassen dans le poste d'écoute. 89.1 FM, sans vouloir manquer de respect à personne ici. Chevaleresque est sans doute l'adjectif qui définit le mieux les Benny Snassen. Ce peuple qui de tout temps n'a eu de cesse de défendre ses valeurs universelles, inscrites sur leur peau et si profondément enracinées dans leur cœur. Ces valeurs qui, au-delà des mers, allaient se décliner en termes de liberté, d'égalité et de fraternité. Dans le game, Benny Snassen s'empare de la scène sans larcin. Lacère le mal-être, nos rôles alternent entre la technique et l'aura saine. Apporte odorat avant S13, elle est forte, singulière, plus grande, plus à même de défier ses regards douteux à notre égard et qui dérange. Que l'amour remplisse nos cœurs. Benny Snassen, Biline, on vient en paix, n'ayez pas peur. Les vrais reconnaissent les vrais, les Benny Snassen, Rin, Tsunami, Zermi. J'ai trop d'amis, in scène de crime, la crème où on traîne. Que Dieu bénisse la scène, les Benny Snassen. Qu'importe la couleur que tu donnes à mon rap, soulage ta douleur, Biline, ces deux sœurs qui préparent un rapt. Du Maroc au hip-hop, nos cœurs palpitent. Quand tu parles de te méfier, toi tu me donnes envie d'aller vite. J'ai bien prononcé mon allégeance. Oh Benny Snassen, j'ai été coursé par les flics, possédé par le fric. Mec, c'est ce qu'on explique dans nos textes et dans nos rimes, frimes. Mais dis-moi qui peut tester ma clique, clean. La cause, notre force vient du deal. Sortir des thèmes, des blèmes qui nous laissent dans la merde, qui font qu'on brûle en enfer avant même d'être sous terre. Je veux que ma fille elle mange, qu'elle s'enferme de son père. Appelle-moi Joe Pap, je suis le mec de derrière. Esprit cheval, reste calard, excuse la veuve et de l'orphelin. Faut bien qu'on cesse un jour d'être sous emprise, qu'on fasse le bien. On fasse le bien. Tu nous blâmes et regarde, tromper l'islam. Ça ouf de nous, des guerriers de la paix, des soldats du respect. Ouvrez les tout. Yeux, mec, meuf de banlieue, du hip-hop, prêt à piétiner pour être au top. Tu trompes, la réussite va au-delà du showbiz, la famille avant tout. Béni, je viens redonner mon allégeance. Oh, béni, c'est ça, à la vie comme à la terre. Seigneur, Seigneur, fais pitié de nos ennemis, toutes mes condoléances, à la haine qui assassine, je répète. Une autre super bonne pièce de rap dans notre bloc. Excellent, là, ma foi. J'espère un petit peu moins religieuse la prochaine pièce, par contre. Donc, passez l'écoute. Restez avec nous si vous êtes assez fort pour ça. Il va y avoir d'autres bonnes musiques après, par contre. Crystal Castles, parce qu'il paraît que c'est vraiment bon. Restez là. Vous synthonisez toujours le poste d'écoute. Voici une autre pièce dans notre extraordinaire bloc de rap hip-hop ou de rap hop. Hein? On écoute du TLF tout de suite avec Rêve de rue et le jour de la paye. De la paye, c'est le jour de la paye. Le jour de la paye. Le jour de la paye. Le jour de la paye. Yeah. Découpe ta plaquette de seum au millimètre. Roule un joint avec les miens, laissez pas de me la mettre. Je me réveille d'un long sommeil. C'est le jour de la paye. Que la galère à se faire mettre d'un seul flow, je la raye. Que Dieu bénisse, IKIKBAL. J'te l'ai dit, vaut mieux crever que vivre en faisant de la paix. Ma dalle est redoutable, j'te le répète. Ma dalle est redoutable. Putain de rap, paye au compte-goutte, mais j'pisse pas dans la soupe. Marre de traîner dans la soupe, le pilote faut que j'le dessoute. Car j'ai rêvé qu'il pleuvait des billets de 500 et que j'étais trempé jusqu'au caleçon. Sur ma bite j'ai encore les traces dedans de certains MC. Ils sont partants, les sons une ardoise, ils leur carrière en sursis. Les rappeurs sont embarrassés parce qu'on mangeait eux une fonte que débarrassés. Ils sont courassés mais ils veulent concurrencer. T'as vu nos gueules plaquées sur les murs comme des valachés. À Cuba, notre vie c'est 20 millions sous la merde, son tuba. On se les jurait ne pas sortir d'album si ça ne tue pas. Bah ouais gros, vas-y, hey. Faut que ça paye maintenant. Putain, ça fait trop longtemps qu'on attend là. On va pas attendre jusqu'à 40 piges aussi, hein. Vas-y, hey, les mixtapes, les compiles, les textes écrits dans le vent. Vas-y, hey, frérot, bref, hey, qu'on en chill, hein. Ouais, t'as raison, on a trop perdu de temps. Que ce soit à tourner en promenade ou passer des nuits en studio jusqu'au lever du jour. Faut que ça paye. Si là j'suis une nouvelle cible, ça fait un peu plus d'une pige. Faut que ça paye. Le temps c'est de l'argent, soit j'm'enrichis ou s'rap repose en paix. Faut que j'perce, j'repèse, me tends la perche, il coule à flot. Faut que j'en pêche, qui m'en empêche. Surtout pas ces MC, c'est trop la dèche pour eux. TLF prend de l'avance, tu peux le voir. On monte, ils sont pas heureux. Buzz leur monte à la tête, ils boycottent, c'est peureux. Écoute, viens, on suit mon plan. Ok, une fois que t'es sorti, j'voulais que tu m'appelles, gros. On va repérer la plante. Cette maison de skun en guise de banque, faut que j'la fasse cracher. Un casse d'une vie gâchée. Depuis le temps que j'rappe et que vocal sort à l'en fâché. Où est le cachet? Je ne peux faire machine arrière, j'me suis engagé. Le jour de la paye, c'est maintenant seul du cash ou un chèque. Le front dégagé. T'as raison, faut récupérer notre jus, on tape dur. Jour et nuit à poser, c'est la rançon, notre vécu parce qu'on a posé. Qu'est-ce t'as à nous proposer? Jour et nuit en studio, il est temps de se reposer. Happy Play était tympan en même temps que les boomers vont exploser. Faut oser se proposer pour notre cause. Le THV, le crosser, Marcosé, on va le coincer, le faire rincer. Flash spécial. Nous apprenons à l'instant la prise d'otage de la SACEM à Paris par deux forcenés. Il semblerait que les individus issus de la banlieue sud, connus des services du CSA, auraient revendiqué une rançon de plusieurs millions d'euros constituée des royautés des plus grands artistes français. On nous annonce l'arrivée imminente des hommes du RAID. Déjà sur place, la BRI a entamé les négociations. Nous vous tiendrons au courant de la suite des événements. Bon, ben c'est fait. On a passé le rap, c'est ça, c'était du TLF avec la pièce, non, l'album Rêve de rue et la pièce Jour de paye. Juste avant, c'était l'artiste Benny Snassen avec la pièce Benny Snassen de l'album Spleen et Idéal. Dans le poste d'écoute, c'est rare qu'on joue du rap, mais des fois, ça arrive, t'sais. C'est en franco, en tout cas. Pas de biographie pour eux, par contre. On continue avec de l'anglophone maintenant. C'est un artiste canadien qui s'appelle Matt Track. Ça m'a l'air assez spécial. On commence par la pièce Under Control. Et si vous avez des commentaires, si vous écoutez en direct, là, ça vaut la peine de me téléphoner. Vous pouvez me dire que vous aimez pas quelque chose et je risque de le couper. C'est démocratique comme ça. C'est un processus électoral démocratique. Go Bamago, tu sais. En tout cas. Donc, 819-376-5183, le numéro de téléphone en studio, 819-376-5183, c'est pour les gens qui nous écoutent le vendredi matin de 10h à 13h. Et je profite du moment qui m'est donné gracieusement par les ondes de C'est Fou pour vous rappeler les nouvelles heures de rediffusion pour l'été. À partir de la semaine du 28 avril, on change d'horaire. En fait, mes trois émissions changent d'horaire. On va parler seulement du poste d'écoute dans ce cas-ci. Ça fait beaucoup de choses à retenir. Donc, on est toujours en direct les vendredis à 10h. Toujours en rappel aussi le samedi à 13h, mais l'autre rediffusion qui vient s'insérer le lundi à partir de 17h. Donc, pour la première fois, je crois, dans pas mal l'histoire du poste d'écoute en 200 quelques émissions, on va être le soir. Hein, donc, le soir. Je pense à parler comme radio de tantôt. Donc, ça, c'est le lundi soir de 17h à 20h, en rappel. Donc, vendredi 10h, samedi 13h, lundi 17h. Si vous voulez les heures de rediffusion, c'est le www.cif.ca. C'est aussi là que vous pouvez nous écouter hein, en direct. Under Control, Matt Track, tout de suite dans le poste d'écoute au 89.fm. I was not in the mood. I just got out of the doctor's room. He told me I was sick, that I needed to get treated or I wouldn't live. I had to find a plan. The bill would come up to 100 grand. There was no way I'd find all the money on time. I couldn't stop to think. Then my mind drifted in a dream, but my body was like a machine. And I found a gun, still warm in the drain beside the street. I don't know why I took it. Felt like if my hands did it, not me. And one bullet was missing. It's like an infant's knee. Who digs his hole in thee? Inside a human's brain until it gets to do foolish things. Surprising when you know how far things can go. When the rage is pushing so hard that a desperate man could start a war. Then I kept on walking on the same steady road on 8B. Saw the sign of a bank, aiming straight for it like an hungry beast. But when I went through the door, there was no one waiting in the hall. No businessmen, no counselors, it was an empty bank. I didn't pay more attention. I went for the safe in the basement and I found a gun. Laying down dead on the cold concrete. With the key in his hand, in front of an open door for me. Oh, it's like an infant's knee. Who dug his hole in me? Inside my desperate brain until I got close to do wrong things. That's when I understood that someone shot the cop. With the gun that I found on the ground, filled up a bag of money, then disappeared. Oh, I had to get out of there. I couldn't move up the stairs. I stared at the body too long. It wasn't on the control, yeah. Till I heard the voice of the cop. Throw your gun and put your hands up. I swear it wasn't me, and if you ask how I got here, I don't know. It wasn't on the control. I'm taking you, my friends, out for a drink tonight. Cause we need it and it's been a while since we had. Don't say you can't, don't say you won't come. I'm already downstairs knocking on your door. Let's forget the day, let's forget the time. Let's stay up our watch, leave everything behind. mind. I see the glasses shine all of a sudden at night. It comes through my mind. If we hit the fist, say carnaval call it. You guys know the sign of getting on the fist. Cheers to our love, our trips around the earth. Let's talk about the shooting of the world. The dance floor will be our neck of black. On the shot ball, have a massive attack. I can't promise you'll be the only one. Let's go with the flow. Comes up until the sun comes up until the sun comes up. C'est fou depuis 10 ans. Les trois premières pièces du nouvel album de Matt Track, Come On, Come On, Quality, et au début c'était Under Control dans le poste d'écoute Matt Track. Donc c'est le projet solo de l'auteur-compositeur-interprète Mathieu Lafontaine, qui n'en est pas à ses débuts sur la scène québécoise, dit son document de presse. Après avoir longtemps joué dans un groupe rock alternatif, Four Answers, Matt a senti le besoin de créer une musique propre à son image. Snowboarder et surfer dans l'âme, il n'est pas surprenant que ses mélodies évoquent entrain et joie de vivre pour les fans de Jack Johnson et Dave Matthews. Matt Track débutera sa tournée de lancement d'album le 2 mai prochain. Main Dish, son album, sera lancé dans tous les bons magasins le 15 avril, donc c'est fait. L'album comprend 11 pièces, dont le premier single, The Gift, qui est drôlement placé en 5e piste sur le CD. Plusieurs spectacles au Québec et en Ontario sont planifiés pour le début de l'été. Soulignons aussi la participation de Matt Track au Vans Warped Tour de Montréal et de Toronto. Plusieurs spectacles seront ajoutés dans les prochains jours, ainsi que des dates en Australie et au Japon. Suivra une tournée en Europe qui amènera dans plusieurs pays, donc la France, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, l'Italie, l'Espagne et le Portugal auront la chance de découvrir l'album Main Dish qui sort là-bas en Europe le 22 septembre. Ayant dernièrement eu la chance de jouer en première partie de l'artiste suédois Nicolas Sarcevic du groupe Melancholin et de David Usher, anciennement de Moist, Matt Track est un sympathique mélange d'influences tirées d'artistes comme Jack Johnson, Ben Harper, Matt Costa et le Dave Matthews Band. Matt Track, qui est le projet solo de Mathieu Lafontaine, donc donne des mélodies chaleureuses et entraînantes, accompagnées d'une impressionnante prestation lors du spectacle de Nicolas Sarcevic. C'est là que Matt Track a décroché son premier contrat de disque avec l'étiquette indépendante montréalaise Freedom Records. Il va être en spectacle donc aux Haricots de Saint-Hyacinthe le 23 mai, ensuite le 26 au Café Campus de Montréal. Je regarde sur son MySpace. On ne parle pas de date à Trois-Rivières pour l'instant. La plus près de nous, c'est le 28 avril à 20h au Vert Bouteille de Montréal. Voilà, si ça vous intéresse, allez voir le myspace.com/matttrackrock. Hein? Matt Track Rock ou encore purevolume.com/Matt Track. N'oubliez pas les trois T dans le milieu pour Matt, deux T et Track. Les membres du groupe sont Jérémy Elcudor Roy à la batterie, non à la basse. À la batterie, c'est Francis D. Octopus Gaulin et au clavier et au saxophone aussi, c'est Sébastien Foufounzur Girard. Donc voilà pour Matt Track, l'album s'appelle Main Dish. On continue avec de l'anglophone maintenant. Le prochain album, c'est l'album Rock Fantasy de la formation The Wet Secrets. Et tout de suite, voici Get Your Own Apartment dans le poste d'écoute. On découvre des nouveautés en même temps que vous. Get your own apartment. C'est fou depuis 10 ans déjà. The Wet Secrets et la pièce Exipre versus Sex Maniac de leur album Rock Fantasy. Oui, dur à lire ces affaires-là. Parlons un petit peu de The Wet Secrets rapidement. Cette fin de deuxième heure, c'est un groupe qui vient de Edmonton en Alberta. Et puis leur seule information, en tout cas, c'est le myspace.com/ Wet Secrets. Ils vont être en spectacle en Alberta dans le mois de juin. Il y a vraiment pas beaucoup d'informations sur leur MySpace. Ils ne mentionnent pas de site officiel. Mais bon, c'est quand même Lyle Bell, Trevor Anderson, Kim Raquel, Donaball et Doug Organ, les musiciens qui jouent dans Rock Fantasy. Et si vous voulez plus d'informations, le MySpace est là avec des pièces à écouter. On va se quitter avec une troisième pièce, qui s'appelle Grow Your Own Fucking Mustache, Asshole. Quel excellent titre de pièce, on se quitte là-dessus. Et puis on revient avec d'autres bonnes musiques, dont Crystal Castles, que je pimpe depuis le début de l'émission, que j'ai pas encore joué. On va aussi recevoir Geneviève hein, pour sa chronique Je Découvre. Tout ça dans la troisième et dernière heure du poste d'écoute. Restez avec nous. troisième heure du poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés musicales pour la première fois en même temps que vous. Quelle belle mission. On aime donc ça, faire ça. Je rappelle à vous, auditeurs, vous à la maison, là, comment on pourrait vous appeler les écouteurs? Ouais. Poste d'écoute, écouteurs. Ça... Pas pire, ça. Pas pire, quand même. Qu'on a une nouvelle case horaire pour la rediffusion. En tout cas, quelque chose qui change. On reste toujours en direct les vendredis matin à 10h pour la programmation d'été qui commence le 28 avril. On va être en rediffusion le samedi de 13h à 16h et le lundi maintenant. Donc, on va être le soir. Le soir. Hein? Tu sais, le soir. Tu parles bien aujourd'hui, Mathieu. Wow! J'aime ça parler bien. c'est le lundi soir, donc de 17h à 20h. Ça commence le 28 avril, tout ça. C'est beau. C'est bientôt. Oui, c'est bientôt. Faut se préparer. Ben, c'est ça, faut mettre nos culottes. Hein? Sortir dehors, je vais une petite bière. Les culottes, ça va être les shorts bientôt, je te dirais. On a de l'espoir, fait beau, fait beau. Mettez ce que vous voulez, mais écoutez le poste d'écoute. Hein? Oui, ça c'est important. Bon. Ma gauche, la voix que vous entendez, c'est celle de Geneviève Beaulieu-Veilleux, qui nous présente sa chronique Je découvre. Tout à fait. Bonjour Mathieu, bon vendredi. Merci, bonjour. Ça va bien? Très bien, et toi? Ça va très bien. Yabalabalu. Ouais. Aujourd'hui, je découvre le groupe Entire City. C'est une formation canadienne de Toronto qui comprend comme membre permanent Simon Borer aux voix et à la guitare, Rory Dewey à la flûte et aux voix, Tamara Hope au banjo, au corps et aux voix, Brendan Hallett à la basse et à la trompette, Paul McGrady aux voix et Paul Wiedick aux voix et à la batterie. Comme tu l'as et vous, auditeurs ou écouteurs, l'avez remarqué, ils sont plusieurs membres, près de 12 en tout, et possèdent même des membres à distance qui viennent compléter le groupe à l'occasion, donc sur scène. On parle ici de pianistes, de joueurs d'accordéon ou de trombone. Ce sont à la base une bande d'amis qui n'avaient jamais vraiment fait partie d'un band, mais qui ont décidé de tenter l'expérience comme ça, et ça l'a abouti. Sur leur page MySpace, le style d'Entire City est qualifié de country expérimental psychédélique. Ooh. Ouh, ça fait peur! Le groupe en est à son premier vrai album. Un premier EP avait été lancé en 2007. Maintenant, pour ce qui est de l'album que j'ai écouté d'Entire City, qui est intitulé Deep River, je vous avertis tout de suite, c'est pas le genre de matériel qui me plaît, donc je vous préviens. C'est pourquoi ma critique est plutôt négative cette semaine. D'abord, le style ballade qui est associé au country, ainsi que le style voix nasillarde, là, ça, non, je suis pas capable. Ça m'ennuie. Et je dirais même, pour être franche, ça me tape sur les nerfs. Ouais, je suis pareil là-dessus. Donc, je pense qu'on va tous les deux avoir le même... Même avis sur ça. Bon, je me sens pas toute seule. Je me sentais méchante en venant aujourd'hui à ma chronique. J'étais là. Ah! Faut fesser des fois. Mais c'est ma chronique, c'est moi qui la dirige, donc it's my opinion. Ensuite, Ben oui, je m'assume. Faut s'assumer. Ensuite, il y a la superposition des voix. On entend dans le fond la voix du chanteur, la voix masculine. Par-dessus, il y a la voix féminine, donc qui chante, admettons, un octave plus haut. Ça, là, ça se retrouve sur la majorité de l'album. Je trouve ça d'un quétaine. Ça m'agace aussi. C'est peut-être mieux ça que la baleine qu'on va entendre sur la prochaine fois. Oui, mais tata, révèle pas, c'est un punch. La baleine, vous allez comprendre. La confusion, tout ça va s'éclairer tantôt. Je trouve aussi qu'il y a des instruments comme l'accordéon, le triangle, angle, ce sont... il y a juste le mot en anglais qui me vient. Inhabituel, c'est ça. Unusual, ouais. Le triangle, l'accordéon, c'est agressant, c'est lancinant. Ça a peut-être sa place dans d'autres chansons, mais pas dans celle-ci. Donc, ils prennent trop de place aussi par rapport à la voix des chanteurs. Un autre petit accro, une lacune que j'aime pas vraiment. Parlant de la voix des chanteurs, selon moi, elle est correcte. Mais sans plus, je me sens pas particulièrement transportée, là. Donc, les pièces n'ont pas réussi à m'accrocher aussi, toujours selon moi. Ça, c'est quand même douteux, là. Au bout du CD, quand tu dis « OK, j'en réécouterai pas, mais pas une. » Tu dis « Est-ce que je viens de perdre une heure de ma vie? » Est-ce que je viens vraiment de gâcher ça? C'est quand même dramatique. Mathieu, oui. Une heure dans une vie, c'est une heure. C'est long, une heure. Hey, écoute. Est-ce que t'es en train de 60 dire... minutes. Tu me disais tantôt qu'il y avait un gars qui jouait du cor dans le groupe. Ouais, ouais. T'es en train de dire qu'il aurait dû jouer avec leur corps à la place. Oui. Non. Image, ouais. Image, hein, qu'on veut passer au studio. Reviens à tes mots de tantôt. Invente des mots, mais ouais. C'est pas des images. J'aime pas les images que tu... Ouais. Ça, c'est toujours selon moi, donc je vous laisse quand même le bénéfice de faire votre propre opinion. Ben, c'est l'idée et de la pour chose, ça, bien sûr, ben là, on va-t-il en entendre des chansons Oui, juste avant, je vais vous dire mon point, j'allais oublier. J'ai retiré un point fort. Je me sentais généreuse. J'ai dit, il faut quand même être un petit peu objective. Donc, seul point fort de l'album, selon moi, c'est les paroles. Ils sont vraies, sont ressenties par les chanteurs. Donc, leur texte, je leur accorde cela. Ouais. Bon. Histoire d'illustrer tous ces beaux propos-là, pour pas que ça soit en l'air, on s'en va écouter une seule pièce, pas plus, promis, de l'album Deep River de Entire Cities. On débute donc avec Turbines et on finira avec Turbines. Notez bien, justement, là c'est le temps, la guitare électrique qui prend des apparences d'une baleine qui souffre et qui se lamente. Je vous laisse découvrir ça, c'est merveilleux. Si vous pouvez, endurer ce son-là pendant plus d'une pièce, faites-moi signe, s'il vous plaît. Alors, c'était Geneviève Beaulieu-Veilleux qui vous a présenté sa chronique « Je découvre » et qui vous dit à la semaine prochaine, même heure, même poste, avec peut-être un autre verdict, dans le poste d'écoute à CIFU 89,1. Listen, while the feathers fall like rain, turbines of jet planes hum and start to turn. When a man in the sky, he don't stop to wonder why, lest he run screaming down the aisle. Then he meddled, we let him keep. But I'm not in the sky, I'm just sitting on my lawn while the cops keep riding by, frowning as the feathers fall. On est tous d'accord, en fin de compte. Non, sérieusement, c'est ouais. Vraiment moche. Vraiment. Sérieusement. C'est emmerdant. C'est... On a le goût d'aller faire une petite sieste, là, près du nez, comme ça. Je crois que la ville entière aimerait bien se retrouver profondément dans la rivière, se jeter en bas du pont. On rappelle que le titre du groupe est Entire ouais. Cities, donc le l'album est Deep mots, River. Ouais, se jeter dans la rivière, tout à fait, ouais. C'est un jeu de mots qu'il faut l'expliquer un petit peu. C'est moins bon dans ce temps-là. Geneviève Beaulieu-Veilleux, désolé de t'avoir fait subir ça cette semaine. Hein? Ah, ben c'est moi qui ai choisi. Mais quand même. J'aurais pu me rétracter. J'aurais pu dire, oh non, moi je ne fais uniquement des choses qui me plaisent. Mais j'ai dit non, faut avertir les gens. Faut les prévenir contre le mauvais matériel ou le matériel qu'on aime moins. Oui. Donc j'ai décidé de vous présenter quand même ma critique qui était, donc je la rappelle, négative pour le groupe Entire Cities et leur album Deep River. Mais je vous laisse quand même en juger. S'il y en a qui ont apprécié, c'est pour vous, là, courez à vous le procurer au magasin. Mais moi, cette semaine, c'était un peu décevant de ce côté-là. Ouais, on est déçus nous aussi, on aurait aimé ça, entendre quelque chose de nouveau, de bon, mais bon. Peut-être la semaine prochaine, par exemple. J'aimerais ça. J'ai écouté d'autres CD cette semaine et il y a des bons espoirs, ouais. Bon. J'ai très hâte d'entendre ça, alors. Parfait. On rappelle l'adresse du site web myspace.com/entirecity, c'est pour les gens qui aiment ce genre de choses-là. Allez-y, ouais. Sinon, ben, allez-y pas. Hein? Country, c'était le country, on rappelle. C'est ça. Geneviève, merci oui. encore, mille fois. Mais ça me fait plaisir, je n'arrêterai jamais. Je te remercie. On se retrouve pour la nouvelle programmation. Moi, je vais toujours être là la semaine prochaine. Bon, je renouvelle, ça. Ouais. On t'aime. Bye bye. Bye bye. Nous on continue avec en fait ben tu peux dire tu peux rester là si tu veux t'asseoir pour écouter du Crystal Castles hein dans ton auto peut-être dans ton auto. Ouais. En tout cas. Ouais. Crystal Castles, on a reçu l'album en mars ici assez fou. C'est depuis ce temps devenu numéro 1 du palmarès des radios universitaires au complet là, au Canada. Ok. Ça s'appelle Earshot, c'est eux qui compilent tout ça de différentes radios dont c'est fou. Crystal Castles maintenant est au numéro 2 de ce palmarès pour la semaine qui se termine le 22 avril. Nous on les découvre à peine. C'est fou, on a bien hâte de savoir si ça pourrait peut-être embarquer dans vos palmarès aussi. T'sais, on veut pas être des rejets de radio, ça. Ben non. T'sais, on veut pas être Radio Rejects. Faut innover, faut être les premiers. Hey. Faut être les. Ben, à Trois-Rivières, en tout cas, voici pour la première fois dans vos oreilles Crystal Castles, leur album éponyme et la pièce Untrust Us, suivie de Alice Practice au 89.1 FM. Yes. Oh yeah. Pièce du nouvel album de Crystal Castles. Je vous attends juste après la pause dans le poste d'écoute au 89.1. We'll be right back. L'album éponyme de Crystal Castles, qui s'appelle Crystal Castles, étrangement. La pièce s'appelle Crime Wave, Crystal Castles vs. Elf. C'était précédé de Alice Practice. On a commencé avec la pièce Untrust Us. Crystal Castles, on vient juste de recevoir ça, c'est fou. Ça fait un petit bout que ça roule sur la scène universitaire du Canada. C'est un band basé à Toronto. Il a été décrit par Loud and Quiet comme étant un des groupes les plus excitants et originaux dans le monde en ce moment même. C'est Ethan Catt et Alice Glass à la voix. Crystal Castles qui sont connus surtout pour leur travail en tant que band, que groupe. Mais Catt a aussi remixé des chansons pour plusieurs autres groupes, dont la chanson Lenny de Good Books, Hunting for Witches de Block Party et Atlantis to Winter Zone par les Klaxons, groupe bien aimé ici assez fou. Crystal Castles, donc, qui est un groupe, comme on le disait, qui vient de l'Ontario. Leur premier album qui vient tout juste de sortir au Canada. Et puis, je regarde les spectacles, il n'y en a pas au Québec, si je comprends bien. MySpace.com/CrystalCastles, c'est leur site web. Allez-y maintenant pour entendre d'autres pièces. Je crois que ça risque de rouler un petit peu assez fou, en tout cas, prédiction de ma part. Crystal Castles, j'ai dit tantôt, c'était le numéro 2 du palmarès des radios universitaires en ce moment, selon Earshot. On passe à un autre groupe, toujours dans le canadien. C'est West Point avec leur album Goodbye Rocket. On va entendre la pièce titre tout de suite. Et restez là parce que plus tard, on va entendre du Rabbit 5 avec Leopardism. Dans le poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. C'est notre mission jusqu'à la fin du temps au 89 FM. Allez, fusée. Moi ça 89 ans. crazy and our body goes. Formation canadienne West Point avec les trois premières pièces de leur nouvel album Goodbye Rocket. On a entendu What's Good For Me précédé de Her Body Goes et on a commencé avec la pièce titre Goodbye Rocket. Groupe de Toronto et Burlington en Ontario qui dit faire du rock pop, très très bon rock pop, moi j'ai bien aimé. un des albums que j'ai particulièrement apprécié aujourd'hui. Westpointrock.com est le nom de leur site web et l'adresse aussi, ou encore myspace.com/westpoint. Vous pouvez entendre des pièces là-dessus, dont certaines qu'on a entendues aujourd'hui. J'ai bien apprécié West Point avec Goodbye Rocket. Il reste à peine assez de temps dans ce poste d'écoute pour deux petits derniers albums. On va entendre deux pièces qui ouvrent l'album de Teenage Head with Marky Ramone. Voici Top Down dans vos oreilles au 89 FM. C'est fou ça! Everybody's in me. Now my name is Lance Lance. Won't you take that chance? Top down in the sun. We'll have fun. Top down. Go! Over here. C'est fou. La seule radio musicale depuis 10 ans. 89.1. Marky Ramone et la pièce You're Tearing Me Apart, précédée de Let's Shake. On a débuté ça avec Top Down, un nouvel album de Teenage Head Punk Glam de Hamilton en Ontario. Très très bon ça, très très bon. Si vous voulez plus d'informations, allez voir le myspace.com/teenageheadband, teenageheadband, ou passez par lunechance.com. C'est tout pour cette édition du Poste d'écoute, l'émission qui découvre les nouveautés pour la première fois en même temps que vous. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ça avec vous. J'espère que vous avez apprécié ces différents styles musicaux. Certains pas très très bons, d'autres vraiment adorables. D'ailleurs, mon poste d'art cette semaine, l'album à conseiller, l'album à écouter, ben, c'est celui de Crystal Castles. Que voulez-vous? C'était très bon, très très bon. Crystal Castles est le nom de l'album aussi, donc c'est éponyme. Allez voir lunechance.com pour plus d'informations sur tous les groupes que vous avez entendus aujourd'hui et pour télécharger la balado-diffusion. C'est le MP3 qu'on peut écouter en tout temps. N'importe quand. Bon. Donc, je vous retrouve la semaine prochaine, vendredi, de 10h à 13h. Maintenant, on est en rediffusion les samedis, toujours de 13h à 16h, mais aussi les lundis, de 17h à 20h. Nouvelle case horaire, le soir, comme on appelle dans votre radio. Je suis aussi à la connexion, émission d'informatique et de jeux vidéo, et puis au Palmarès C'est fou, donc on se retrouve là. On se quitte avec l'album de Rabbit Five, qui s'appelle Leopardism. Leur pièce s'appelle Rounder. Si vous voulez plus d'informations, tout ça est sur le site web. On se quitte et on se retrouve la semaine prochaine. Bye bye, Rock Classique, et nous suit le vendredi.